3. Le télégramme du pôle Nord. Flagadel lit le télégramme à voix haute. Flagadel. Cher Flagadel, stop. Prière venir au pôle Nord, stop. Problème Père Noël, stop. Urgent, stop. Je répète, problème Père Noël, stop. Signé Alan Pop. Trompette et Picaouette ensemble. Stop. Flagadel, non, terminé. Picaouette, c'est qui ça, Alan Pop? Trompette, jamais entendu ce nom. Flagadel, le Père Noël a un problème, il a besoin de nous. Trompette, nous n'avons plus qu'à préparer nos bagages. Picaouette, on va aller au pôle Nord? Brouh, j'en frissonne d'avance. Trompette, mais comment fait-on pour aller au pôle Nord, Flagadel? Flagadel, attendez, il y a un post-scriptum. Picaouette, c'est quoi un spot Christum? Flagadel, chut, écoutez. Tenez-vous prêt à partir dès la tombée de la nuit. Trompette et Picaouette, ensemble, stop! Flagadel, non, terminé. Trompette, encore? Picaouette, la nuit va tomber? Au secours, la nuit va tomber, on va la prendre sur la tête, tous aux abris. Picaouette plonge la tête la première dans son paquet cadeau. Flagadel, calme-toi, Picaouette, ce n'est qu'une expression. Cela veut dire « dès que le soleil sera couché ». Picaouette ressortant la tête. « Ah, ça me rassure, j'ai eu peur !» Trompette. « Trouillard !» Picaouette. « Grève des confitures, Trompette !» Trompette. « Ah oui, je te présente mes excuses, Picaouette. Préparons nos bagages, nous partons en voyage. » Picaouette. « Nous partons en voyage, youpi !»